Stéphane Violet, je suis chargé de recherche au CNRS, à l'Institut des sciences du mouvement sur le campus de l'UMINI à Marseille. Et je suis responsable de l'équipe du robotique au sein de cet institut. Franck Ruffier, je suis chargé de recherche au CNRS, également dans l'Institut des sciences du mouvement, qui est une unité mixte, donc CNRS, ex-Marseille Université. Donc historiquement, on va faire un peu le... ça a commencé après la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Il y a eu une vraie volonté de la part de scientifiques allemands, biologistes et physiciens, de se réunir au sein d'un même institut qu'ils ont créé, qui s'appelait à l'époque l'Institut de neurocybernétique à Tübingen en Allemagne. Donc, qui est résulté de cette réunion entre physiciens et biologistes et qui donc après a donné énormément de connaissances et un foisonnement d'expériences et de résultats assez incroyables, issus donc de cette confrontation entre physiciens et biologistes, puisque les gens tous les jours devaient se côtoyer et donc mettre en place des expérimentations pour essayer de mieux comprendre par exemple le comportement de la drosophile, beaucoup d'études sur la drosophile et sur la mouche, comment la vision de cet insecte fonctionne, essayer de modéliser les neurones, essayer de modéliser le comportement en mettant en place des instrumentations assez incroyables pour mesurer par exemple les forces aérodynamiques générées par une mouche. Donc toutes ces études ont donné lieu à énormément de connaissances et ont aussi permis de former énormément de scientifiques qui sont après partis dans le monde, et ça a rayonné énormément, donc notamment Nicolas Franceschini qui avait passé 18 ans à Tübingen et qui est arrivé après en France avec un poste de directeur de recherche et qui a monté son équipe, donc à l'époque de neurocybernétique. Donc tout ça a après donné lieu à un début de la biorobotique en France, donc la robotique bio-inspirée, et inspirée donc de d'expériences sur la vision des insectes, la vision de la mouche, l'électrophysiologie, par exemple en implantant des micro-électrodes dans les neurones qui sont dans la tête d'une mouche, et si en essayant de modéliser un peu les réponses de ces neurones, en stimulant la rétine. Donc tous ces travaux ont permis d'essayer de mieux comprendre comment fonctionnent ces neurones, et puis ont permis aussi de donner naissance à des nouveaux capteurs type capteurs visuels type œil de mouche, qui ont une vision assez similaire, qui traite l'information et le mouvement comme le fait une mouche par exemple. Donc c'est après, il y a une continuité qui se fait, après Nicolas, avec mon collègue Franck Ruffier et moi-même, nous avons repris le flambeau, et nous continuons donc dans cette démarche de bio-inspiration pour aussi continuer à faire des robots volants autonomes qui sont équipés d'une vision type insecte pour naviguer ou éviter les obstacles, ou faire du vol stationnaire par exemple, et puis aussi pour essayer de mieux comprendre comment fonctionnent les traitements qui sont câblés chez l'animal, chez la mouche notamment, ou chez la guêpe, ou chez l'abeille. Particulièrement, j'essaye de m'inspirer donc des animaux et notamment de la vision de la mouche pour essayer de construire des robots qui sont dotés de capacités qui sont pas vraiment faisables avec si peu de pixels, avec une façon classique quoi. Donc vraiment, et montrer en quoi les animaux peuvent nous inspirer pour faire des choses assez minimaliste, assez finalement sympa, avec très très peu de ressources. Et il y a un deuxième point aussi qui est important, c'est grâce à ces capteurs minimalistes, grâce à ces principes très minimalistes, je m'emploie beaucoup à essayer de les appliquer finalement au monde industriel, même s'il y a vraiment un fossé qui est gigantesque. Mais néanmoins, on arrive de nos jours, l'équipe, pas seulement moi, on arrive à faire des choses intéressantes, notamment avec PSA Peugeot Citroën. Enfin, on commence à penser à des choses relativement intéressantes, et également avec Astrium, et j'espère avec d'autres dans le futur. Voilà, il y a un troisième point qui est vraiment également très important dans cette équipe biorobotique, c'est le retour sur la biologie. Donc à partir des expériences robotiques, valider éventuellement de façon conceptuelle, de façon avec le principe quoi, une espèce de précepte, valider le précepte fonctionnel qui pourrait être utilisé par la mouche elle-même, l'abeille elle-même, l'insecte lui-même, l'animal lui-même. Ça c'est très important, ça nous permet également de discuter avec les biologistes et de mieux comprendre finalement comment ces animaux fonctionnent pour éventuellement faire encore de meilleurs robots et peut-être d'avoir encore de meilleures sorties vers le monde industriel. Cette démarche bio-inspirée aboutit à des solutions qui ne sont pas souvent très intuitives pour la pensée de l'homme, parce qu'il se trouve que dans la nature, par exemple, l'œil de la mouche et la vision de la mouche est très floue. Par exemple, la mouche voit flou, il y a un flou, mais qui est très fonctionnel au niveau de l'optique même, et qui est obtenu par un phénomène de diffraction. Mais par construction, l'œil et la mouche donc, voient flou, mais ce flou est très fonctionnel, donc ce n'est pas très intuitif, puisque la plupart du temps, quand on fait un capteur comme un imageur, avec un imageur et une optique, on veut que tout soit net et que tout soit parfaitement net. Et nous, volontairement, on va, quand on va donc créer nos capteurs bio-inspirés de la vision des insectes, on va créer un flou volontairement. Donc déjà, ça, c'est pas très intuitif. Et en plus, on va, par exemple, aussi le faire vibrer. Et on a remarqué qu'en faisant vibrer un capteur, eh bien, on pouvait améliorer son acuité, ce qui n'est pas non plus très intuitif. Parce que souvent, déjà, un imageur, un appareil photo, par exemple, vous voulez que l'image soit très nette. Et en plus, toutes les vibrations générées par le photographe vont être compensées. Donc, au contraire, on va non seulement ajouter du flou, mais en plus on va faire vibrer volontairement, on va ajouter une vibration mécanique sur l'imageur pour améliorer son acuité. Donc tout ça donne. Et c'est souvent le cas, en fait, il y a des ruptures qui sont en fait technologiques en allant voir ce qu'a fait la nature, et ça donne souvent lieu à des idées dont on n'aurait pas eu l'idée si on n'était pas allé voir ce que la nature avait fait. On essaye de construire pour nos robots des machineries qui testent nos robots, mais également des machineries qui testent les insectes. Donc c'est aussi cette capacité de fabriquer des expériences qui est très motrice chez nous pour parce qu'on peut pas les acheter sur étagère, vous voyez, on peut pas acheter seulement un microscope, quoi. Un microscope, ça va pas nous permettre de faire des découvertes. Il faut vraiment qu'on fabrique les choses. C'est pour ça qu'on a un atelier d'électronique, un atelier de mécanique. Non seulement on fabrique les robots, mais on fabrique ce qui est autour des robots pour les tester. Et autour des insectes pour les tester. Je parlais de ce que j'ai fait là, par exemple chez l'abeille. On a construit un tunnel un peu spécial dans lequel on a appris à l'abeille à voler. On a appris l'abeille à voler, donc l'abeille revenant tout le temps à sa source de nourriture, on peut vol après vol la faire apprendre à traverser par exemple un tunnel. Et une fois qu'elle a appris à traverser ce tunnel, on a filmé sa trajectoire. Et après, on a changé les conditions géométriques du tunnel. On a par exemple fait bouger un mur, bouger le sol, etc. Et on a enregistré donc la première fois qu'elle a découvert cette nouvelle configuration, on va dire. C'est le mot découvrir, à mon avis, est impropre, mais qu'elle a subi cette nouvelle géométrie du tunnel. On a enregistré sa trajectoire pour voir comment elle avait réagi de façon réflexe à cette nouvelle configuration de tunnel. Voilà. Et donc ça nous a permis, là, par exemple, pour la première fois au monde, de montrer qu'il y avait vraiment cette restauration du flux optique, du défilement pour contrôler la hauteur. Alors nous avons construit au laboratoire un générateur de roulis pour mouches ou pour guêpes, c'est-à-dire en fait c'est un appareil qui va permettre d'imposer une rotation sur le corps de l'animal qui va se retrouver en vol au point fixe, c'est-à-dire alors comment mettre une mouche par exemple, la suspendre par le thorax et la maintenir en vol au point fixe, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas avancer, elle est contrainte, mais par contre elle peut quand même voler. Et alors pour ça c'est un peu assez délicat, il faut aller chercher des mouches dans une cage et puis après donc les attraper avec un petit bocal, et puis on peut après les contraindre dans un petit système qu'on a très artisanal avec une mousse comme une sorte de piston, on vient la plaquer contre une grille et on peut venir coller avec un peu d'habitude un petit bout de carton sur son thorax, tout ça sous loupe binoculaire. Et quand ce petit bout de carton est collé sur le thorax de l'animal, on peut le prendre avec une pince et l'amener délicatement et la poser sur ce générateur de roulis qui nous permet après donc de faire tourner et d'appliquer des perturbations sur l'animal. Et en même temps, avec une caméra, on vient filmer les mouvements de la tête par rapport au corps et on regarde comment la tête compense ces rotations qu'on a appliquées sur le corps, comment la tête compense ces perturbations. Il va être entouré d'un horizon artificiel. Donc un horizon artificiel pour la mouche, c'est en gros un papier noir et blanc avec ses noirs en bas et ses blancs en haut. Et pour lui, pour la mouche, c'est un horizon artificiel qui fonctionne très bien. D'ailleurs, si on change l'orientation de l'horizon, la tête suit et s'aligne avec l'orientation de l'horizon. On peut l'entourer aussi de bandes de noir et blanche contrastées, on peut aussi le placer dans un environnement uniforme ou sinon complètement dans le noir et observer en filmant avec des caméras infrarouges comment la stabilisation se fait encore, si la compensation se fait encore par exemple dans l'obscurité, ce qui voudrait dire que dans ces cas-là, si on observe une compensation, ce qu'on a observé chez la mouche, eh bien c'est pas uniquement la vision qui permet à l'animal de stabiliser sa tête, mais il y a aussi des aspects plutôt, comment on dit, inertiels, c'est-à-dire que la mouche a des balanciers dans son thorax, c'est une petite paire d'ailes que la mouche a perdue dans son évolution. Mais cette petite paire d'ailes, c'est un mini gyromètre, elle peut mesurer la vitesse de rotation de son corps grâce à ce petit bout d'aile qui vibre à la même fréquence que les ailes. Et c'est très important, ça lui permet donc de stabiliser sa tête et de mesurer, de savoir de combien son corps tourne. Donc toutes ces informations sont disponibles chez l'animal, mais après il faut savoir, et donc après on essaie de modéliser, de savoir par exemple comment cette information de gyromètre est fusionnée avec la vision pour obtenir donc une stabilisation au niveau de la tête. Donc après on met en place des modèles mathématiques à partir des données biologiques que l'on a obtenues. On essaye à la fois de proposer des nouveaux comportements sur des robots, mais dans le même cerveau, on essaye de mieux comprendre comment, grâce à ce nouveau comportement, ou comment, en mettant en place ce nouveau comportement, la mouche pourrait le faire, quoi. Et est-ce que c'est bien biologiquement plausible? Est-ce qu'on utilise bien seulement les capteurs qui sont présent chez la mouche ou chez l'abeille, et est-ce que c'est pas forcément, enfin c'est pas complètement infaisable pour la nature? La plupart du temps on essaye d'avoir cette double démarche d'entrée, quoi, c'est-à-dire de à la fois chercher à comprendre la biologie, mais à la fois doter les robots de comportements innovants et essayer de trouver ça chez la biologie, d'essayer de marier ces choses. Il y a beaucoup d'avantages de travailler sur l'insecte parce que déjà il y a un aspect très répétable d'un insecte, par exemple d'une mouche à une autre mouche, les neurones vont être en place de la même manière, par exemple qu'on va pouvoir piquer, mettre une électrode dans un neurone et puis changer de mouche, prendre une autre mouche et au même endroit pour la même espèce, on aura le neurone exactement au même endroit, donc c'est très important pour faire des expériences répétables et d'avoir cette précision, cette répétabilité d'un insecte à l'autre, enfin d'une mouche à l'autre par exemple. Et puis on peut aller, par exemple, dans le cas de la vision, étudier la réponse d'un photorécepteur de la rétine de la mouche. Et ça, c'est quasiment impossible à faire chez le vertébré. Il y a des gens qui le travaillent sur la rétine, par exemple, de la salamande, mais le problème, ça ne se fait pas in vivo, ça se fait une fois que la rétine a été extraite. Enfin, c'est très difficile, tandis que ça peut se faire chez la mouche. Des gens savent implanter des électrodes dans un photorécepteur. Ce qui permet d'apprendre vraiment énormément sur le traitement qui est fait au niveau de la vision, très bas niveau, et des traitements qui sont faits. Et on en sait plus sur les traitements qui sont faits dans la rétine de la mouche que dans la rétine des vertébrés ou de l'homme, par exemple. Il y a encore pas mal de points qui sont assez flous et on ne comprend pas bien ce qui se passe. La grosse difficulté chez la mouche, c'est la taille, quoi. Il faut des technologies, les techniques d'imagerie, par exemple, pour regarder la réponse d'un neurone, des gens commencent à les appliquer, mais il y a des difficultés inhérentes à la taille et c'est très difficile d'aller regarder ce qui se passe sur un cerveau de la mouche, quel neurone va vraiment être excité en réponse à une stimulation de la rétine par exemple. Des gens commencent à faire ça, mais ce sont des expériences qui sont très délicates, et donc, mais par contre qui commencent à se mettre en place, et donc on apprend aussi beaucoup sur le câblage et la réponse de ces neurones. Mais on commence à avoir des idées très claires entre le photorécepteur et les neurones qui se retrouvent à la fin du traitement, par où passe l'information et comment elle est traitée. On commence à avoir des informations très claires là-dessus, sur par exemple comment les neurones répondent aux différents contrastes, quels sont les traitements qui sont faits. C'est quelque chose qui commence à être très très bien compris, et pas forcément très bien compris chez l'homme notamment, parce que ça implique énormément de structures très complexes, à la fois dans la rétine au niveau un niveau très bas, mais après dans le cortex visuel où là c'est encore plus complexe. Ouais, moi je vais rajouter que évidemment on connaît plus de choses chez la mouche que chez le vertébré, puisque chez le vertébré, on étudie les choses qu'au niveau d'une population de neurones, et non pas de neurones individuels. Évidemment, la mouche, qu'on fasse expérience à Marseille, Canberra ou New York, on peut faire et comparer la même expérience, qui est impossible chez le vertébré. Mais il y a encore aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir chez ces arthropodes, chez ces mouches, ces abeilles. Et encore récemment, il y a des articles assez incroyables qui semblent décrire un sens électrique chez l'abeille, ou des photorécepteurs qui ont été découverts au bout des antennes des papillons, je crois. Bon, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, malgré qu'on connaît beaucoup plus de choses, je pense, chez la mouche que chez main vertébrée, y compris l'homme. Donc voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que la recherche elle s'étale encore, je pense, et on va en faire pendant des siècles et des siècles avant de bien comprendre comment fonctionnent les invertébrés, notamment la mouche et a fortiori les vertébrés.